Donc je m'excuse encore pour ce retard, venir. Alors, on parle de la gouvernance de la fonction publique territoriale, mais les territoires, ils sont parfois loin et l'accessibilité n'est pas toujours évidente. Donc se lever à 4h40 pour être en plus en retard en arrivant à Paris, mais en venant de Brest, c'est pas toujours simple. Je suis très très heureux de cette invitation et de pouvoir échanger avec vous. Alors, sur un principe plutôt, je pense, d'échange après avec vous sur un principe d'expérience, le sujet de la gouvernance de la fonction publique territoriale, des enjeux, par le prisme. Alors, Philippe Laurent et moi sommes effectivement élus locaux, hein, mais on n'a pas le même parcours, les mêmes expériences. Et c'est vrai que la fonction publique territoriale représente un pan important de nos activités. Donc c'est aussi le sens, moi, de mon expression devant vous ce matin. Parce qu'après tout, on est à Sciences Po, et puis à Sciences Po, bah, on cherche, on creuse, on essaie de trouver aussi des solutions, on analyse, donc c'est aussi l'occasion. En quelques mots, la fonction publique territoriale, c'est pas forcément quelque chose. Quand on est élu local, surtout pour la première fois, c'est pas forcément quelque chose à laquelle on s'attend. Moi, j'ai été élu maire d'une ville de 12 000 habitants, ce qui, au niveau national, voilà, c'est déjà les villes de plus de 10 000, il n'y en a pas beaucoup. C'est des jolis, certains diront des villages, vu peut-être de Paris, mais vraiment, c'est plus de 10 000 habitants, ça commence à devenir des villes importantes. Moi, j'ai été élu maire à 29 ans. C'est pas un accident, hein, c'était quelque chose qui était cherché dans une alternance politique, non pas dans une succession. Donc il y a le combat électoral, il y a combat, façon de parler, mais enfin, en tous les cas, il y a les joutes électorales et politiques. Et puis il y a la décision des électeurs, et puis qui vous confie les rênes de la collectivité pour 6 ans, et vous arrivez à l'hôtel de ville et vous devenez employeur. Et vous devenez employeur du jour au lendemain, et vous n'êtes pas forcément formé à cela. Et pour être tout à fait honnête, parce que je ne suis pas tellement adepte de la langue de bois, vous n'êtes pas du tout formé à ça. Et vous arrivez, et vous avez le directeur général des services qui vous dit, eh bien voilà, 16 millions d'euros de budget et 110 agents équivalents temps plein en tant qu'employeur. Donc la fonction publique territoriale, elle commence là. En tous les cas, de l'expérience qui était la mienne, elle commence là. Et finalement, quand vous avez, peu importe l'âge, mais encore plus quand vous êtes plus jeune, vous retrouvez patron d'une équipe à manager, et c'est pas simple. Dans les différents corps de métier, la fonction publique territoriale a cette chance-là d'avoir 245 métiers divers, donc c'est plusieurs filières aussi, et vous devez vous lancer là-dedans. Donc vous vous rendez compte très vite que cette fonction publique territoriale, elle est importante, que sans elle, vous ne pouvez pas avancer. Et ça, c'est bien la bonne compréhension dans la suite, hein, logique de l'investissement dans la fonction publique territoriale. Et puis finalement, c'est quelque chose d'assez, comment dire ça, d'assez discret. On sort dans la rue tout à l'heure, la fonction publique, oui, alors bon, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, les trois versants, déjà, si les gens les connaissent, on aura de la chance. Il y a cette image, je vous dis très franchement aussi, oh, les fonctionnaires. Alors, Philippe a commencé par le dire tout à l'heure avec les différents ministres et puis aussi les coupes budgétaires. De toute façon, les fonctionnaires, il y en a trop et ça coûte trop cher. Et puis en plus, ils font rien. Parce que c'est si ça l'image d'Épinal qu'il y a. Et quand on est élu local et quand on devient élu local, ben, on se rend compte que cette petite musique qui est alors, une musique qui date d'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, hein, c'est toute obédience politique un peu confondue parce que chacun y est allé en disant il faut faire des coupes budgétaires. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas du tout ça la réalité. C'est que la fonction publique territoriale, et moi je ne cherche pas à l'opposer à la fonction publique hospitalière ou la fonction publique d'État, mais la fonction publique territoriale, c'est ce qui permet d'avoir des politiques publiques menées sur le terrain, dans les écoles, dans le sport, dans la culture, l'urbanisme, enfin, tout ce que vous connaissez vous aussi, j'imagine. En tous les cas, je l'espère dans vos communes et vos territoires. La seule, j'ai envie de dire, pas difficulté, parce que c'est plutôt une chance en France, c'est d'avoir cette décentralisation. Philippe en a parlé, les lois de décentralisation, régions, départements, intercommunalités qui ont pris de plus en plus d'importance, et les communes. Donc avec autant d'agents territoriaux aussi pour faire vivre ces échelons intercommunaux ou locaux. Donc on doit s'emparer de tous ces sujets-là. Et à l'heure actuelle, on est à peu près à 1,9 million hein, d'agents D'accord. territoriaux en France. Certains diront que c'est beaucoup, d'autres diront que c'est pas assez. En tous les cas, c'est comme ça. Mais comme le disait Philippe, et je le rejoins totalement, lorsqu'il faut faire des économies, alors je digresse un petit peu, mais c'est vraiment la sensation première, parce que c'est le débat du moment. Pas que du moment, c'est un débat fréquent. Comme ça coûte trop cher et qu'ils sont trop nombreux, ben, il faut en supprimer. Je suis plus maire, j'ai été maire d'une ville donc, pendant 12 ans, je suis adjoint au maire maintenant dans la grande ville d'à côté, donc à Brest. Quel service il faut supprimer, quel service il faut diminuer? Moi, je connais personne dans mon territoire, mais c'est intéressant aussi d'avoir cet échange avec vous, hein, qui réclame moins de services publics. Soit parce qu'on est parents et donc c'est les services de crèche ou les services de la restauration scolaire, soit parce que le sport, soit parce que... Voilà, je connais pas. Donc c'est très difficile à mesurer. Mais dès lors, les politiques que nous sommes, dans cette gouvernance, ben on doit être audacieux. Parce que dites-vous bien qu'il n'y a pas une façon de gouverner la fonction publique territoriale. Il y en a 44 000. 44 000 employeurs en France. Et chacun a sa vision et sa politique. Alors bien sûr, il y a le cadre réglementaire. Il y a le statut, que je défends énormément, et c'est plutôt partagé, dont on dit d'ailleurs qu'il faut parfois, et je suis plutôt d'accord là-dessus, il faut le faire évoluer, il faut dépoussiérer, il faut pas de sujet. Mais casser le statut, non. Mais en tous les cas, heureusement qu'il y a ces règles-là, mais sur la gouvernance territoriale, il y a autant de gouvernance territoriale que d'employeurs. Bien sûr, et fort heureusement, il y a la grille indiciaire, qui est une forme d'équité, qui est une équité entre les fonctionnaires. Il y a, parce que certains diront que c'est une injustice peut-être, et certains peuvent faire et d'autres ne peuvent pas faire, sur le régime indemnitaire, qui permet d'avoir une mise en concurrence de certaines communes. Et moi, je le vis en Bretagne, et dans le Finistère particulièrement. Un exemple concret. On a plus de villes de plus de 10 000 en Bretagne, et particulièrement dans le Finistère, qu'ailleurs. Il y a une densité, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Et notamment dans la métropole brestoise, nous avons 7 communes qui font plus de 10 000 habitants. Donc des strates quasi identiques. Je puis vous dire que sur cette réalité-là de gouvernance, elle n'est pas évidente, parce que sur le régime indemnitaire, vous êtes clairement dans une logique de concurrence. Je vais chez toi parce que la valeur faciale du ticket resto, je vais chez toi parce que le régime indemnitaire va être... Ah ben mais moi, je peux pas parce que j'ai pas les moyens. Et c'est ça la difficulté aussi au niveau des territoires, c'est qu'il y a des communes qui sont plus riches que d'autres. Et quand je dis riches, c'est pas l'opulence, hein, qui ont plus les moyens que d'autres. Voilà. Et pour autant, les fonctionnaires, eux, ils sont sur la même grille. Et on ne peut pas prétendre à plus parce qu'on est dans une autre commune. Donc le régime indemnitaire vient compenser cela. Donc il y a une certaine forme de concurrence. Et ça, c'est pas toujours, et c'est pas toujours évident. Enfin, en tous les cas, il faut vraiment bien comprendre cela. C'est qu'il y a autant de fonctions, enfin, de gouvernance RH, ressources humaines, que d'employeurs. La fonction publique territoriale, elle n'est pas simple à comprendre. Elle n'est pas simple à comprendre dans sa gouvernance, pour le coup. Vous arrivez dans une mairie, vous arrivez dans une intercommunalité, donc on vous explique qu'il y a un CDG, qu'il y a un CNFPT, qu'il y a un CSFPT, qu'il y a... Voilà. Et je vous le dis de manière un peu triviale, mais parce que c'est vraiment pas simple. Et quand vous vous retrouvez employeur, bah, il faut maîtriser ces termes-là. Et parfois, il faut jongler. Alors, à chacun son domaine. Je suis un affreux cuulard, mais j'assume. Je suis aussi président du centre de gestion du Finistère, ce qui permet d'avoir un pied et au CNFPT, dont j'ai la présidence, mais ça c'est récent, hein, donc, et ce n'était pas prévu à l'origine. Donc depuis 2024, président d'un centre de gestion depuis 2014, mais un pied dans l'accompagnement RH des collectivités et un pied sur la formation, mais pas que. On pourra le voir, le CNFPT a une importance et une colonne vertébrale de plus en plus large. On lui demande de plus en plus de choses aussi. Alors, Philippe blaguait à l'instant sur le côté, il dira qu'il n'a pas assez de sous. Bah oui, c'est vrai, j'ai pas assez de sous. Parce qu'on a un 0,9, mais c'est pas suffisant par rapport aux nouvelles missions que l'on nous transmet. Mais en tous les cas, le fait d'être et président d'un CDG et président du CNFPT permet de balayer et de siéger à l'AMF dans la commission RH aussi avec Muriel Fabre, de balayer le spectre de tout ce qui est fonction publique territoriale et d'espérer améliorer la gouvernance. Parce que la gouvernance de la fonction publique territoriale sont les élus, et moi je le vis particulièrement au CNFPT, c'est aussi avec les syndicats. Et les syndicats ont un rôle important dans partout, que ce soit dans le privé ou dans le public, mais particulièrement dans l'instance que je préside, enfin l'établissement que je préside, pardon, le CNFPT, ou le conseil d'administration, puisque Philippe a évoqué tout à l'heure un peu le fonctionnement de son propre conseil. Conseil d'administration du CNFPT, c'est paritaire. Vous avez les employeurs et vous avez les organisations syndicales. Et l'idée, c'est d'avancer communément. Alors, les organisations syndicales ne peuvent pas voter sur tout. Parce qu'il y a une certaine forme d'incohérence, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, sur les questions budgétaires, seuls les employeurs votent. Les organisations syndicales expriment une opinion, mais ne votent pas directement. Donc il faut surfer sur tous ces sujets-là, avec, de mon point de vue, des compétences qui sont de plus en plus importantes, des besoins sur les territoires qui sont de plus en plus importants. On va le voir à l'occasion des élections... des élections municipales prochaines sur le besoin de services publics et puis petite digression politique. Mais on peut l'aborder aussi avec ce sentiment d'abandon que certains territoires ont en France, des services publics et pas que de la territoriale. Hein. La Poste, enfin le bureau de poste, on le cite souvent en exemple, les services publics qui disent bah non, on va rationaliser, donc on va se regrouper dans la grosse commune et puis les plus petits territoires, les mobilités et le service public. Hein. C'est ce qui vient en premier chef des critiques sur l'absence de politique efficace. Donc et qui conduit parfois à des votes qui se tournent vers le populisme et vers l'extrémisme, parce que c'est facile de dire avec moi, vous allez voir, je vais remettre le bureau de poste, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dans les faits, c'est pas aussi simple, parce qu'il y a des aspects budgétaires. Bref, de plus en plus de compétences. Et le CNFPT, qui est l'organisme de formation de tous les territoires, forme quand même 1 million de territoriaux par an, ce qui est quand même pas rien. Mais on a un 0,9, on vit avec ça, avec ce 0,9. Et c'est pour ça que je balaye devant ma porte. Moi, je suis socialiste, donc je le dis aussi très, très sincèrement, il y a eu des coupes budgétaires de par les élus de gauche et de par les élus de droite. C'est Marie-Lise Lebranchu qui a décidé de passer au 0,9, alors que l'idée était au contraire le besoin de plus d'argent, en tout cas de cotisation, parce que ça, il faut que vous le sachiez, uniquement sur la partie formation, nous on a un 0,9, mais on sait que les collectivités consacrent plus de 2% à la formation de leurs agents. Donc il faut juste qu'on m'explique où partent les 1,1 restants. Ben, je le sais en fait. C'est dans le privé. Et le privé qui facture de manière très forte des formations, peut-être une réactivité peut-être plus importante parce que voilà, plus souple, je ne sais pas. Mais c'est juste pas normal. Donc c'est qu'il y a des besoins énormes. Et le sujet de l'apprentissage, on pourrait en parler aussi. Donc les besoins, ils sont là. Là, ça ralentit un petit peu sur la fin de mandat parce qu'on est pas loin des élections municipales. Mais on doit, nous, les élus locaux, avoir une gouvernance, parce que c'est bien ça le sujet aujourd'hui, une gouvernance qui est la plus audacieuse possible. Et on doit jouer avec les éléments budgétaires pour répondre d'abord aux missions du service public, recruter quand c'est nécessaire, évidemment, et porter un message très, très, très positif. Et le CNFPT et les autres instances, les centres de gestion, font ce travail-là. Mais quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas une grande visibilité, et je sais que les parlementaires se sont posé la question, hein. Est-ce qu'il ne fallait pas fusionner pour une meilleure gouvernance, justement, territoriale, les centres de gestion et le CNFPT? Donc il y a une mission qui a été lancée il y a quelques années de ça. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Philippe, c'était le mandat précédent. Ils ont auditionné, comme souvent, Et c'est bien là le rôle d'une mission, hein, et il a été décidé qu'il valait mieux pas aller sur une fusion, puisque il y a un centre de gestion par département, avec une gouvernance et un conseil d'administration et des présidents par conseil d'administration, et un CNFPT qui est déconcentré, pardon, qui n'est pas décentralisé. C'est pas facile, hein, quand vous avez 34 000 communes, enfin 44 000 employeurs, et de répondre au plus proche aux besoins des territoires. Pour paraphraser un ancien président de la République, moi, président d'un CDG, on fait de la dentelle, hein. On va vraiment sur la plus petite commune de 400, 500 habitants et on fait vraiment le détail du détail. Est-ce que le CNFPT au niveau national, au niveau parisien, est en situation d'avoir cette réponse-là? Je ne suis pas certain. Donc il a été décidé d'un statu quo, mais de voir comment on pouvait travailler en toute symbiose, j'ai envie de dire. Et je voulais aborder aussi ce sujet-là, parce que c'est dans la gouvernance locale, dans les régions et les départements, entre les centres de gestion et le CNFPT, on ne se fait pas de la concurrence, on travaille ensemble. J'ai été délégué régional du CNFPT, il y a un délégué régional par région. Je suis président maintenant, je ne peux plus être délégué régional. Mais quand j'étais délégué régional et président d'un CDG, nous on est une région en Bretagne qui n'a pas bougé au niveau géographique, on est resté à quatre départements. Donc c'est entre nous. C'est pas Nouvelle-Aquitaine, où là, c'est quand on y est allé à Bordeaux, c'est très compliqué. Donc, on travaille très bien ensemble et la gouvernance, elle est efficace. Alors, la Bretagne, c'est un exemple d'une terre où on mutualise beaucoup. C'est l'ADN de la Bretagne, c'est comme ça vient de l'éducation chrétienne de la Bretagne, ses racines où il faut s'entraider, où la solidarité, où on doit faire ensemble. La gauche et la droite travaillent ensemble facilement en Bretagne. La gauche modérée, centre-droit, centre-gauche, c'est comme ça. Donc sur les sujets qui nous rassemblent, la fonction publique, toutes ces actions-là, on sait travailler ensemble. Et si je vous le dis, c'est précieux parce que par rapport à l'attractivité de la fonction publique territoriale, donner envie, eh ben on sait faire des choses ensemble. CNFPT, centre de gestion. On n'est pas en train de se dire chacun, ah non, ça c'est à moi, ça c'est à toi, on va pas se parler. Si on commence comme ça va être compliqué de parler fonction publique et de gouvernance. Si on commence par dire, on ne va pas se parler parce que c'est ton périmètre et c'est mon périmètre. Et un exemple concret, c'est qu'en Bretagne, on a décidé, CNFPT et centre de gestion, de répondre à l'attractivité à notre échelle régionale, hein, modeste. On a créé une marque employeur. On a créé den.bzh. Den, en breton, je ne parle pas breton. J'ai quelques mots comme ça, mais den.bzh, c'est l'humain. Et on a décidé de créer cette dynamique entre CNFPT et centre de gestion. Aux quatre CDG, on a mis au pot commun, parce qu'on a cette volonté de travailler ensemble, pour dire aux gens, venez dans la fonction publique. Alors venez en Bretagne, mais venez dans la fonction publique territoriale, parce qu'il y a 245 métiers, parce que vous pouvez jongler avec votre vie professionnelle et votre vie privée, parce que voilà, il y a quand même plein d'avantages. Sachant qu'on ne l'a pas dit, mais la fonction publique territoriale, c'est 75% de catégorie C quand même. Et ça, il faut en tenir compte dans la gouvernance, parce que c'est pas facile. Et moi, je suis à la tête d'un établissement où c'est complètement l'inverse. C'est des catégories A, B, mais C, très très peu. Et donc, pour revenir sur l'attractivité, cette gouvernance partagée, territoriale, est une chance et nous permet de. Et je pense que c'est une chance d'être en France aussi pour cela. Nous permet de tester, nous permet de créer ce que je vous appelais tout à l'heure de l'audace. On peut faire, on a le droit de tester, on a le droit d'imaginer des choses. Et la décentralisation nous a permis cette possibilité-là. Et ça, c'est une chance. Tout n'est pas complètement verrouillé par Paris. Alors Philippe a plus d'expérience que moi avec les ministres successifs, mais moi j'ai quand même cette chance aussi d'être président du CNFPT depuis un an, mais d'avoir rencontré trois ministres successifs, divers et variés. Il y en a un que tu peux oublier. Oui, on dira pas lequel, Non. mais c'était assez surprenant parce que on va échanger ensemble sur cette gouvernance, mais quand vous avez des gens dont c'est métier la fonction des ministres qui sont censés porter et qu'en face on a des gens qui limite ne savent même pas ce que c'est que la fonction publique territoriale et qu'ils voient ça comme une espèce de logique entrepreneuriale avec le statut. Oui, bon, voilà. C'est très déroutant quand nous, sur le terrain, élus locaux, eh ben, on se bat pour essayer d'arranger les choses et de créer cette dynamique. Et donc, le sujet de l'attractivité, pour dire, nous, en Bretagne, on a fait ces choses-là. Mais c'est Guérini qui était plutôt intéressé par cette dynamique et ces expérimentations-là. Mais c'est un exemple concret que je veux vous donner sur la possibilité de travailler ensemble et d'apporter une réponse plutôt, enfin que j'espère, intelligente et dynamique de la fonction publique territoriale. Je ne sais pas combien de temps j'en suis, mais je vais pas tarder à arrêter parce que l'idée n'est pas de trop parler, puis je n'ai pas cette habitude-là. Mon point de conclusion provisoire sur cette expérience, qui est une expérience magnifique d'être élu local et d'avoir cette chance de travailler sur la fonction publique territoriale. Moi, rien ne me prédestinait à la fonction publique territoriale. J'ai gardé mon métier, un ancrage local. Je viens du privé. Je fais de la politique, oui, mais je viens du privé. Donc moi, ce n'était pas spontanément. Voilà, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant, je vais embrasser la fonction publique territoriale sur la bouche, et puis je vais me dévouer corps et âme pour elle. Non, c'est quelque chose que j'ai découvert, mais c'est une vraie pépite, cette fonction publique territoriale, parce que il y a plein de belles choses, des métiers fantastiques, il y a des hauts et des bas pour tout le monde, évidemment, mais quand on a cette chance d'être employeur territorial, peu importe l'obédience politique, je ne sais pas comment on peut faire autrement que de porter la fonction publique territoriale, que ce soit dans sa commune, dans son interco. Peu importe, parce que c'est ce qui fait tourner la machine. Alors, c'est pas une déclaration d'amour, c'est juste que c'est vraiment une belle rencontre et de très très bons moments que l'on vit. Et je trouve regrettable qu'elle soit maltraitée ou critiquée, ou les deux. Et puis, à un moment donné, il faudrait juste qu'on arrête une bonne fois pour toutes de raconter des choses qui sont fausses, et notamment, encore une fois, mais François Hollande le faisait. Et Emmanuel Macron l'a refait encore l'autre jour quand il est intervenu à la télé en disant, voilà, il faut faire encore les fameuses économies et donc les collectivités doivent dépenser moins. Mais bon sang, sur quel budget est payée la masse salariale des territoriaux? Sur celle de l'État? Pardonnez-moi, enfin, qu'on nous fiche la paix là-dessus. Si on considère qu'on a à embaucher du personnel, c'est pas le budget de l'État. Ils nous donnent plus de dotation, on se débrouille avec ça, donc maintenant on fait avec. Le coût de la taxe d'habitation, bon là je digresse un peu, Oui, mais mais bah t'as oui, raison, t'as raison. bah, on va vous compenser à l'euro si je le dis quand même, on va compenser à l'euro près. Ben oui, mais on sait très bien comment ça fonctionne ces histoires. La première année ça fonctionne, la deuxième année un petit peu moins, on en sait quelque chose sur l'apprentissage. Hein. J'ai envie de vous dire plein de choses quand même, mais je vais m'arrêter là. C'est les budgets des communes, c'est pas le budget de l'État. Donc qu'on nous laisse tranquille de notre côté à nous dire que c'est les communes qui coûtent trop d'argent dans la dépense publique. Non. Philippe et moi, on ne fait pas des emprunts à la banque du quartier pour payer nos agents territoriaux. On ne fait pas d'emprunt pour du fonctionnement. Nous. Non. On m'avait dit que c'était libre, hein, la discussion, donc moi je fais. Hein. Et C'est donc, enregistré quand même. je sais, mais c'est pas grave, j'assume de toute façon complètement. On pourra ressortir ça après. Donc cette territoriale-là, elle bosse énormément et la gouvernance, elle est plurielle, on l'a vu, mais elle va dans un seul et même sens, c'est pour le service rendu aux usagers. Alors moi j'ai juste un plaidoyer peut-être quand même pour une. Ce sera mon mot de conclusion, hein, plaidoyer pour ce que j'appelle une reconnaissance pleine et entière, hein, de la capacité des employeurs à faire, des collectivités à piloter, hein, des politiques RH, qu'on nous laisse faire, qu'on nous donne cette autonomie que nous perdons, nous les élus, nous perdons cette autonomie. Et par ricochet, c'est la gouvernance de la fonction publique territoriale qui va être touchée, mais qu'on nous laisse avec cette autonomie. Nous n'avons plus que le levier fiscal de la taxe foncière. C'est pour ça que je dis la taxe d'habitation avait ce rôle-là. Alors c'est très, très intéressant. Dis, on paye moins d'impôts, enfin, individuellement, on donne moins. Oui, ok, mais enfin, qu'est-ce qu'on a en moins aussi en face? Ça sera un autre débat peut-être. Mais au moins, ce plaidoyer pour piloter ces politiques ambitieuses, adaptées aux besoins, au monde qui change, qui avance vite, je le vois sur les sujets de sécurité actuellement, ça s'accélère à une vitesse grand V. On va nous demander plein de choses au CNFPT en plus. Le Beauvau de la police municipale s'est mis en place. L'intelligence artificielle qui percute la fonction publique de pleine vitesse. Faut qu'on s'adapte, faut qu'on aille vite. Donc, moi, c'est plutôt cela, c'est qu'on nous laisse faire parce qu'on sait bien faire. On est des gens raisonnables et raisonnés, mais on n'a pas pour habitude. On vote nos budgets à l'équilibre. Donc, on sait faire. Mais sans la territoriale et sans une gouvernance audacieuse, on ne saura pas faire, par contre. Parce que c'est au final les territoriaux qui exécutent la décision des élus. C'est une chance. On est regardé ailleurs dans des pays européens et pas que. On a des partenariats, nous, CNFPT, avec d'autres pays pour voir comment on arrive à accompagner les territoriaux, comment on a cette spécificité française. C'est une richesse. Il faudrait voir à ne pas la gâcher. Merci à vous.